بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة القراءة في هذا الكتاب المختصر الطيب في بيان التوحيد والشرك والكفر وكونتينيو شير فرير donc la lecture de cet épître concis concernant l'éclaircissement du monothéisme du polythéisme et de l'incroyance. On est arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il dit « Wa huwa arba'atu anwa'a ». Et donc l'auteur, il dit « Et celui-ci est de quatre types ». C'est-à-dire, ici l'auteur, il parle du shirk, al-akbar. Il parle du polythéisme majeur. Et donc on a vu avant cela les différents types de monothéisme. Et aujourd'hui, donc, on commence donc les différents types de polythéisme, ou du moins les différents types liés au polythéisme majeur. فقال رحمه الله تعالى النوع الأول شرك الدعوة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Et donc la première forme de polythéisme majeur est le polythéisme lié à l'invocation. La preuve de cela est la parole d'Allah, le Très-Haut. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Lorsqu'ils montent donc dans le navire, alors à ce moment-là, ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala en lui accordant un culte exclusif. Ils ont peur de mourir noyés, ils ont peur de la noyade. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. Et lorsque ceux-ci, donc, lorsque celui-ci du moins, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala les sauve en les amenant sur la terre ferme, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Là, ils font du polythéisme. فَالدُعَاءَ أَيُّهَا الْإِخْوَى عِبَادَةَ. Et donc l'invocation, chers frères, l'invocation est un acte d'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Et donc ce verset est une preuve que l'invocation est un acte d'adoration. Mémorisez bien. Pourquoi est-ce que ce verset est une preuve? لِمَاذَا هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدُّعَى عِبَادَةِ. Pourquoi est-ce que ce verset est une preuve montrant que l'invocation est un acte d'adoration? لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهَا أو لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ بِالدُّعَى. Car Allah a ordonné d'invoquer. Allah nous a ordonné de l'invoquer. Et le fait qu'Allah nous ordonne de l'invoquer, cela montre qu'il aime cela. Il aime qu'on l'invoque. Car Allah ne nous ordonne de faire que ce qu'il aime. Et qu'est-ce que l'invocation? Ma huwa al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. L'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Et donc à partir de là, on a ici dans ce verset une preuve qui nous montre que l'invocation est un acte d'adoration. Idan yajibu sarfuhu lillahi wahda. Et donc il est obligatoire d'invoquer Allah seul. فَمَنْ دَعَى غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. Celui qui va donc invoquer autre qu'Allah va faire du polythéisme. Et ici, c'est du polythéisme majeur. وَالْعَجِيبُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ أَنَّنَا نَجِدُ بَعْضَ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ يَقُولُونَ كَمَا تَقُولُهُ النَّصَارَى إِنَّ الدُّعَاءَ أَوْ إِنَّ دُعَاءَ الْأَوْلِيَاءِ لَيْسَ مِنَ الْعِبَادَةِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Et ce qui est surprenant, subhanallah, chers frères, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des personnes qui s'affilient à l'islam, qui vont faire la même erreur que les chrétiens, et qui vont dire que l'invocation n'est pas, le fait d'invoquer les saints, ce n'est pas un acte d'adoration. Les chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils vont invoquer Marie, lorsqu'ils vont invoquer d'autres saints qu'ils ont, eh bien, ils vont nous dire que ce n'est pas un acte d'adoration. Donc c'est permis, parce que les chrétiens se disent monothéistes. Ils ne le sont pas, mais ils se disent monothéistes. Subhanallah, on va avoir dans la communauté musulmane, ou chez ceux qui s'affilient à l'islam, le même problème. Des gens qui vont s'affilier à l'islam, ils vont se dire monothéistes. Ils se disent monothéistes, ils disent qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu, une seule divinité. Et lorsqu'ils vont invoquer les saints, ils vont nous dire que ce n'est pas un acte d'adoration. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est là que c'est important, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, retenez bien cela, la définition de, l'adoration. Retenez bien la définition de l'adoration. Qu'est-ce qu'un acte d'adoration? Qu'est-ce qu'une adoration? L'auteur qui nous dit, rahimahullah, na'u thani, et donc le deuxième genre, c'est-à-dire la deuxième forme de polythéisme majeur. On est toujours dans le polythéisme majeur, celui qui fait sortir de l'islam. Il nous dit, rahimahullah, shirkun niyya wal iradati wal qasdi. Le polythéisme lié à l'intention, à la volonté. Naam, le polythéisme lié à l'intention et à la volonté. Donc l'intention de la personne et ce que la personne a voulu. Tayyib, ad-dalil. Quelle est la preuve que l'auteur nous cite, rahimahullah? Il nous cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Et donc, ceux qui désirent la vie de ce bas monde, ainsi que ses délices, voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent la vie de ce bas monde ainsi que ses délices. Ils ne veulent pas l'au-delà. Et donc, leur intention à ces gens-là, ce n'est pas l'au-delà, ce n'est pas rechercher la satisfaction d'Allah, mais ils veulent les délices de ce bas monde. Et donc ceux qui sont comme tels, nous leur accordons, donc, en fonction de leur œuvre, ici-bas, dans cette dunya. Ici-bas, dans cette dunya. Et rien ne leur manquera, donc en fonction de leur œuvre, bien entendu. Ces gens-là, ils auront toute bonne action qu'ils vont accomplir. Ils seront récompensés ici-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront rien dans l'au-delà. Ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Dans l'au-delà, toutes les récompenses ou toutes les bonnes actions qu'ils auront, qu'ils accomplissent, ils en seront récompensés ici-bas. Et ça, c'est comme... Donc ça, c'est la situation de qui? C'est la situation de l'incroyant, cher frère. Que, comme on a vu dans le hadith, que l'incroyant, sa rétribution... Et qu'il est nourri ici-bas. La rétribution de sa bonne action est qu'il est nourri ici-bas, afin qu'il n'ait aucune part dans l'au-delà. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ces gens-là sont ceux que dans l'au-delà, ils n'auront que le feu. Ils n'auront que le feu. Wa habita ma sana'u. Et ce qu'ils ont accompli comme action en fut rendu vain. Toutes leurs bonnes actions sont vaines. Donc toutes leurs bonnes actions qu'ils ont accomplies dans la dunya. Et ce qu'ils faisaient était caduc. Et donc ici, barakallahu fikoum, le cheikh il nous parle du polythéisme lié à l'intention. Et bien entendu, là, ce qu'il veut dire ici, c'est le polythéisme majeur. Mais il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est voulu par l'intention. Afin de comprendre pourquoi il a utilisé ce verset. Ici, barakallahu fikoum, le sujet qu'il aborde, c'est riya ul munafiqin. L'ostentation des hypocrites. Quelle est l'ostentation des hypocrites? C'est le fait d'accomplir un acte ou le fait de montrer l'islam de manière apparente et de cacher la mécréance. Ils ne sont pas musulmans. Mais ils font croire qu'ils sont musulmans. Ils montrent l'islam de manière apparente et cachent la mécréance. Et donc ça, c'est l'ostentation des hypocrites. C'est pour ça que l'auteur, il nous cite un verset qui aborde des gens qui ne recherchent que le délice de ce bas monde. Eux, les hypocrites, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le délice de ce bas monde. Ils se cachent parmi les musulmans pour faire du mal aux musulmans, ou alors par rapport à certaines choses qu'ils veulent. Parfois, certains veulent de l'argent. Hein? Ils veulent de l'argent, ils savent que les musulmans donnent beaucoup d'aumônes. Alors, ils font exprès pour aller demander de l'argent aux musulmans, etc., etc., etc. Hein? Et donc, peu importe les raisons qui font qu'une personne peut être ostentatoire, mais l'ostentation majeure. Il y a plusieurs raisons qui vont mener à cela. Le fait que la personne peut rechercher à être protégée, etc., etc., etc. Et donc, toutes ces raisons-là, ce sont des raisons mondaines. Cette personne-là, tout ce qu'elle veut, c'est être dunya, ce bas monde. Ceci est du polythéisme majeur. Ceci est du polythéisme majeur. Concernant l'ostentation mineure, ça concerne le musulman. Et on le verra plus tard, Inch'Allah. L'ostentation mineure, c'est, et ça, on le verra bi'inillahi ta'ala plus tard. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'ostentation majeure. Pourquoi? Parce que l'auteur ici, il aborde le sujet du polythéisme majeur, celui qui fait sortir d'islam. Et d'ailleurs, parmi les versets qui montrent le danger de ce prisme, de cette forme de polythéisme, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Iza jaa'ak al-munafiqoun, qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasul, wallahu yashhadu inna al-munafiqina la kadhibun. » Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait pertinemment que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Ils mentent lorsqu'ils disent qu'ils sont musulmans. Ils mentent lorsqu'ils disent qu'ils attestent que tu es le messager d'Allah. Ils n'attestent pas de cela. Allah tabaraka wa ta'ala, elle dit dans son livre, « Yakuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim » Ils disent de leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Et Allah connaît mieux ce qu'ils cachent. Il dit tabaraka wa ta'ala wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Il y a parmi les gens ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier alors qu'ils ne sont pas croyants. Et donc ça, c'est le polythéisme lié à l'intention. Son intention, c'est la dunya. Il veut le bas monde, les délices de ce bas monde. Il ne veut pas l'au-delà. Mais va cacher cela. Ensuite, l'auteur qui nous cite la troisième forme de polythéisme, et il nous cite, rahimahullah, il nous dit, An-naw'u thalith, shirku ta'a. Et donc la troisième forme de polythéisme, le polythéisme lié à l'obéissance. Et donc on a le polythéisme lié à l'invocation, on a le polythéisme lié à l'intention, on a le polythéisme lié à l'obéissance. Et il nous cite la preuve, rahimahullahu ta'ala, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, wal messih ibn Maryam » وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils ont pris leur rabbin ainsi que leur moine comme divinité en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Mariam. Et pourtant, il ne leur a été ordonné que d'adorer une seule divinité. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Pureté à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Ensuite, l'auteur qui nous dit, après avoir cité ce verset, il nous dit, وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي لَا إِشْكَالَ فِيهِ طَاعَةُ الْعُلَمَا وَالْعُبَّادِ فِي الْمَعْسِيَةِ لَا دُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ. Et l'explication de ce verset, donc l'explication sur laquelle il n'y a aucun problème, c'est le fait d'obéir les savants ainsi que les serviteurs dans le péché. Et ce n'est pas le fait de les invoquer. Et donc ici, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit qu'ils ont pris les rabbins et les moines comme divinités en dehors d'Allah, c'est le fait de les avoir obéis dans le péché, pas le fait de les avoir invoqués. Il continue, il nous dit كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم, de la même manière que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a expliqué à Adi ibn Hatim lorsqu'il lui a demandé قال لسنا نعبدهم. Et donc Adi, il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم, on ne les adorait pas, on n'adorait pas les moines ou les rabbins, on ne les adorait pas. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui aurait dit, donc n'est-ce pas que vous rendiez licite ce que eux rendaient licite et que vous avez rendu illicite ce que eux rendaient illicite. Et donc ici, barakallahu fikoum, l'auteur attire notre attention sur un point important, le polythéisme lié à l'obéissance. Attention, premier point, donc le fait que les savants, ils ont divergé quant à l'authenticité du hadith que l'auteur a cité. Ils ont divergé. Le hadith concernant Adi ibn Hatim, que le prophète il lui a expliqué, donc il rendait licite ce que les moines et les rabbins rendaient licite, il rendait illicite ce que les moines et les rabbins rendaient illicite. Tayyib. Et donc, les savants ont divergé concernant ce hadith. Mais ils sont d'accord sur le fait que le sens du hadith est correct. C'est-à-dire que le fait d'avoir pris les rabbins comme divinité en dehors d'Allah, ce n'est pas le fait de les avoir invoqués. D'ailleurs, les juifs ne sont pas connus pour cela, pour le fait d'invoquer les rabbins et de les adorer. Mais par contre, c'est le fait de les avoir suivis dans le fait de rendre licite ce qu'Allah a interdit. Et aussi le fait de rendre illicite ce qu'Allah a autorisé. Et c'est là qu'elle est l'adoration. Et ceci est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Attention à ne pas confondre. Attention, très important. À ne pas confondre avec le fait de suivre une personne dans le péché, tout en croyant que ce péché est illicite. Exemple. On a un jeune qui se remet un petit peu dans l'istiqama, dans la droiture, mais il a encore quelques penchants pour ses anciens péchés qu'il faisait avant. Anciens péchés, par exemple, le fait de fumer à la chicha ou je ne sais pas où. Et donc, il s'est remis dans l'istiqama, il se remet dans l'istiqama, mais parfois, il va retomber dans ses péchés d'avant. Et il a un ami qui vient le voir, qui lui dit, vas-y, viens, on va fumer un petit peu, etc., etc. Alors, il se dit, c'est haram, j'essaie de quitter ça, mais j'y arrive pas. Et il obéit à son ami. Et il va fumer. Est-ce qu'on va dire que cet homme a fait du polythéisme majeur qui le fait sortir de l'islam? Non. Parce qu'il sait très bien que ce qu'il fait est illicite. Il sait très bien que ce qu'il fait est illicite. Et donc, il n'a pas obéi à une personne dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Une personne qui aujourd'hui vient voir un musulman et lui dire « Viens, on va boire un peu d'alcool. » Le musulman lui dit « Non, c'est haram. Allah il a interdit l'alcool dans le Coran. » L'autre qui lui dit « Oui, Allah il a interdit, mais c'est permis. C'est permis, on peut faire des exceptions, c'est permis. » Et donc ici, le fait de croire que effectivement l'alcool c'est licite, ça fait sortir l'islam. Ça fait sortir. Cette croyance-là va faire sortir l'islam. Car ici, la personne va suivre l'autre personne, pas dans le péché, pas dans le fait de boire de l'alcool. Ce n'est pas le fait de boire de l'alcool qui fait sortir l'islam. C'est le fait de rendre licite ce qu'Allah a interdit. Et donc, on fait la différence entre les deux. Le fait d'accomplir le péché et le fait de rendre licite le péché. Les deux cas sont différents et l'un est plus grave que l'autre. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, et donc, le quatrième type, la quatrième forme de polythéisme majeur, il nous dit shirkul mahabba. Le polythéisme lié à l'amour. Le polythéisme lié à l'amour. Concentrez-vous bien, les frères, parce que, bismillah, je vais vous poser une question dans quelques instants. Ne fuyez pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vais vous poser une question dans quelques instants, inshallah ta'ala. Et donc, Le polythéisme lié à l'amour. Il nous dit, rahimahullah, la preuve de cela est la parole d'Allah le Très-Haut. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a parmi les hommes, parmi les gens, ceux qui vont prendre donc des divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont les aimer comme on aime Allah. Ils vont les aimer comme on aime Allah. Et donc le polythéisme lié à l'amour. Le fait que des personnes vont aimer autre qu'Allah, autant qu'Allah. On ne parle pas du fait de les aimer plus qu'Allah. On parle du fait de les aimer autant qu'Allah. Rien que le fait de les aimer autant qu'Allah, c'est du polythéisme. C'est du polythéisme. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a trois caractéristiques que si celles-ci sont réunies chez un individu, il aura goûté aux délices de la foi. Et parmi ces caractéristiques, il cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Que Allah et son messager soit plus aimé auprès de cette personne que toute autre chose. Et bien entendu, l'amour d'Allah prévaut à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, c'est la créature d'Allah que nous aimons le plus. Mais celui que nous aimons le plus, l'amour absolu est accordé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi, dans la suite de ce verset, que l'auteur n'a pas cité, il nous dit « وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ » Et ceux qui ont cru, ils aiment plus Allah. Ceux qui ont la foi aiment plus Allah. Et donc, le croyant, il aime Allah plus que toute chose. À partir du moment où un individu va aimer une chose plus que Allah, ou alors va aimer une chose autant qu'Allah, il fait du polythéisme. Et ceci est du polythéisme majeur. Ensuite, l'auteur, après avoir cité cela, il nous cite donc le polythéisme mineur. Donc, on récapitule. Concernant le polythéisme majeur, l'auteur nous a cité quatre formes. Je vous fais un petit résumé avant de vous poser la question. Il nous a cité quatre formes. La première forme, le polythéisme dans l'invocation. La deuxième forme, le polythéisme dans l'intention. La troisième forme, le polythéisme dans l'obéissance. Et la quatrième forme, le polythéisme dans l'amour. Ici, une personne, elle vient, elle égorge un mouton, elle va sacrifier un animal pour Sidi Fouled. Pour Sidi Fouled. Telle mort qui est dans telle tombe. Parce qu'elle veut la baraka pour sa maison. La personne va bientôt se marier. Elle se dit, bon, je veux quand même mettre la baraka dans le mariage. Il y a tellement de divorces en ce moment. C'est énorme, comment faire? On m'a dit d'aller voir Sidi Fouled et de sacrifier un mouton pour lui. Taïeb, ou de sacrifier une chèvre. Yallah, il a cherché sa chèvre. Il a ramené la chèvre devant la tombe et il a sacrifié la chèvre. Dans quel type de polythéisme on rentre cet acte? Dans quel type de polythéisme on rentre cet acte? Je répète les types de polythéisme que l'auteur a cités. Le polythéisme dans l'invocation, le polythéisme dans l'intention, le polythéisme dans l'obéissance et le polythéisme dans l'amour. Barakallahu fikum, man yujibu an hadha su'al. Qui répond à cette question? L'invocation. Oui, on le met dans l'invocation. Mais maintenant, il faut m'expliquer pourquoi. Moi, je veux comprendre. Moi, je ne veux pas suivre comme ça aveuglément. Je veux qu'on m'explique. Pourquoi est-ce qu'une personne qui va égorger pour autre qu'Allah, on va placer cet acte-là dans le polythéisme lié à l'invocation, alors qu'il n'a pas invoqué? Un acte d'adoration qui est une invocation. Alors, tu as dit quoi? Tu as dit un acte d'adoration est une invocation. En égorgeant, un acte d'adoration qui est comme une invocation. Qui est comme une invocation. Taïeb, voilà ce que je voulais entendre. Et donc, les frères, barakallahu fikoum, rappelez-vous, on avait vu que l'invocation se divise en deux. Rappelez-vous ça. On avait vu. L'invocation est de deux types. L'invocation dans la demande, le fait de dire « Oh Allah, accorde-moi une subsistance. Oh Allah, accorde-moi une femme pieuse. Oh Allah, accorde-moi 15 enfants. Oh Allah, accorde-moi ci. Oh Allah, facilite-moi la hijra. » Etc, etc, etc. La personne, elle va invoquer en demandant ce qu'elle veut. Ça, c'est l'invocation dans la demande. L'invocation dans la demande. On a aussi la deuxième forme d'invocation, l'invocation dans l'adoration. C'est-à-dire que tout acte d'adoration que tu vas accomplir est une invocation. Tout acte d'adoration que tu accomplis est une invocation. Pourquoi ? Parce que lorsque tu fais cet acte d'adoration, comme il nous a dit notre frère Ali tout à l'heure, mais je voulais qu'il détaille un peu plus. Notre frère Ali tout à l'heure, il nous a dit... Tu cherches à te rapprocher d'Allah par cet acte d'adoration. Et donc, lorsque tu fais cet acte d'adoration, c'est comme si tu dis à Allah, « Oh Allah, accepte de moi. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. » Tout à l'heure, vous avez prié le Maghreb, si je ne me trompe pas. Et donc, quand vous avez prié le Maghreb, qu'est-ce que vous vouliez par là? Vous vouliez entrer au paradis. Tu ne pries pas le Maghreb comme ça parce que tu veux te débarrasser d'un acte d'adoration. Non. Tu pries parce que tu veux rentrer au paradis. Et donc, quand tu fais cet acte, c'est comme si tu dis à Allah, « Oh Allah, accepte de moi cette prière que je suis en train de faire pour toi. Oh Allah, fais-moi rentrer au paradis par la cause de cet acte que je suis en train de faire pour toi. » Et donc, tout acte d'adoration que tu fais, en réalité, c'est une invocation. Voilà pourquoi, ici, la personne qui va égorger, qui va sacrifier un animal, une bête, pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, son polythéisme rentre dans le polythéisme lié à l'invocation. Et donc ensuite l'auteur rahimahullah, il commence donc à citer les différentes formes de polythéisme, ou du moins, pas les différentes formes de polythéisme mineur, mais il commence à parler du polythéisme mineur. Je voulais aujourd'hui voir avec vous le polythéisme mineur aussi, le polythéisme mineur et ce qu'on appelle aussi le polythéisme caché. Le polythéisme caché. On le voit aujourd'hui, pourquoi ? Parce que le prochain cours, on va rentrer dans l'incroyance, donc les formes d'incroyance. Donc on va clôturer le sujet du polythéisme aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et donc l'auteur qui nous dit, Rahimahullah, la deuxième forme de polythéisme, on a vu précédemment le polythéisme majeur, avec toutes ses formes, avec donc le polythéisme dans l'invocation, le polythéisme dans l'intention, le polythéisme dans l'obéissance, le polythéisme dans l'amour. Et donc ça, c'était les formes de polythéisme majeur. Maintenant, on voit le polythéisme mineur. Et il nous dit l'auteur, wahuarriya, c'est l'ostentation. C'est l'ostentation. Wad dalil, la preuve de ce polythéisme, la parole d'Allah le Très-Haut, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِكَوْا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur alors qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'accorde à son Seigneur aucun associé. Voyez ici, barakallahu fikoum les frères. On a déjà parlé d'ostentation tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé d'ostentation dans le polythéisme majeur. Et là, on en reparle encore dans le polythéisme mineur. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux formes d'ostentation. Il y a l'ostentation majeure et il y a l'ostentation mineure. L'ostentation majeure, celle qu'on va appeler l'ostentation des polythéistes, l'ostentation des hypocrites. Et donc, on a l'ostentation des hypocrites qu'on a vu tout à l'heure. C'est le fait de cacher la mécréance et de montrer l'islam. Cette ostentation-là, bien entendu, elle fait sortir l'islam. Innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Certes, les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer. Et là, maintenant, l'ostentation qu'on voit aujourd'hui, c'est l'ostentation mineure. L'ostentation qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant cette ostentation, « Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. » Ce qui me fait le plus peur vous concernant est le polythéisme mineur. Il a dit ça à qui ? Il a dit ça aux compagnons. Il a dit ça aux compagnons. Il fut interrogé concernant ce polythéisme mineur et il a répondu, c'est l'ostentation. Et c'est pour ça que les savants, ils nous disent que cette maladie, l'ostentation, c'est la maladie des pieux. C'est une maladie qui peut toucher. Ce qui est voulu ici, c'est que c'est une maladie qui va toucher les gens qui sont pieux. Tout à l'heure, on a parlé de ce jeune qui va fumer avec ses copains, chicha, etc. Lorsqu'il va fumer avec ses copains, il n'est pas ostentatoire. Il ne cherche pas à montrer la piété, etc., etc. Non, il sait qu'il est dans un péché et que ce qu'il fait n'est pas bien. Par contre, la personne, quand est-ce qu'elle va être ostentatoire? C'est lorsqu'elle va être dans l'acte d'adoration. Elle fait un acte d'adoration et c'est là que Shaitan vient donc insuffler de mauvaises idées à cette personne. Et si cette personne suit cela, donc le fait d'avoir d'embellir sa prière par rapport au fait que les gens la regardent, d'embellir sa récitation par rapport au fait que les gens l'écoutent, etc., etc., etc. Et donc ici, on va avoir l'ostentation qui fait partie du polythéisme mineur. Parmi les éléments qui montrent le danger de l'ostentation, c'est que l'ostentation va rendre l'œuvre caduque. À partir du moment où tu accomplis un acte d'adoration qui contient de l'ostentation, ton acte d'adoration n'est plus valable. Et donc il est important qu'on fasse attention à préserver tous nos actes d'adoration de toute forme d'ostentation. Fais attention à ton intention à chaque fois que tu fais un acte d'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans le hadith Qudsi, ana arna shuraka yani shirki. Je suis celui qui se passe le plus du polythéisme. Faman amila amalan ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Celui qui accomplit un acte d'adoration dans lequel il m'associe à un autre, je le délaisse lui et son polythéisme. Et donc que ce soit du polythéisme majeur ou mineur, Allah ne l'accepte pas. Et donc il est important, oh chers frères, qu'on purifie nos œuvres de toute forme de polythéisme. L'auteur qui nous dit, la troisième forme de polythéisme. Donc, on a vu, première forme de polythéisme, le polythéisme majeur. Deuxième forme de polythéisme, le polythéisme mineur. Troisième forme de polythéisme, le polythéisme caché. Ash-shirkul khafi. Subhanallah al-Ali al-Azim. Qu'est-ce qui est voulu par cela, le polythéisme caché? Le polythéisme caché, c'est le polythéisme qui se trouve dans le cœur, dont seul Allah peut en avoir accès. Seul Allah tabaraka wa ta'ala est au courant de cela. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à savoir ce que l'individu cache dans son cœur. Et c'est là qu'on revient à un sujet qu'on a cité précédemment. On vient de le citer d'ailleurs, le sujet de l'ostentation. En fait, ce qui est voulu, lorsque les savants ils nous parlent du shirk al-khafi, le polythéisme caché, ce qui est voulu ici, c'est l'ostentation dans ses deux formes. L'ostentation majeure et mineure. Et donc, le polythéisme caché, il peut soit être du polythéisme majeur, si c'est le polythéisme des hypocrites, si c'est l'ostentation des hypocrites, ou alors, il peut être du polythéisme mineur, et donc qui ne fait pas sortir de l'islam, si c'est l'ostentation donc qui va toucher les musulmans. Et donc voilà par rapport à ce cours dans lequel on a vu les différentes formes de polythéisme, et on va continuer inshallah ta'ala donc la semaine prochaine ce livre. On va peut-être le clôturer la semaine prochaine inshallah ta'ala avec les formes de mécréance. Wafakallahul jami' لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.